Nous envoyâmes effectivement vers les Thamoud leur frère Sali, qui leur dit « Adorez Allah !» Et voilà qu'ils se divisèrent en deux groupes qui se disputèrent.